lu par Christian Johan. Les rues de Paris, par Bathilde Bougnol. Les vieilles rues et les autres, le vieux Paris. Beaucoup de rues nouvelles, bâties si vite, s'improvisent en quelque sorte, ce qui fait qu'on les désigne d'une façon assez arbitraire et le plus souvent, comme le plus facilement, par un nom propre. Il n'en était point ainsi autrefois alors que, dans la ville ou les faubourgs, les maisons s'élevant successivement et lentement finissaient, comme au village, par former une rue après un laps de temps plus ou moins long. La dénomination sortait de la nature même des choses et presque toujours originale et pittoresque, tellement que d'habitude le nom adopté par le populaire se conservait par la tradition seule de longues années, des siècles. Car ce n'est qu'en 1728 qu'on a commencé à placer des inscriptions à l'entrée des rues pour rappeler leur nom. Les origines de nos anciennes voies sont donc pour la plupart curieuses et singulières. Elles proviennent, dit très bien Saint-Victor, ou du nom de quelque personnage distingué qui possédait une maison remarquable, ou de quelque enseigne singulière qui avait frappé les yeux du peuple, ou de quelque événement extraordinaire qui y était arrivé. Plusieurs devaient leur titre à leur malpropreté habituelle, d'autres aux vols et assassinats qui s'y commettaient. Quelques-unes enfin ont des noms dont l'origine et le sens sont entièrement inconnus. Afin d'ajouter à l'intérêt de ces récits historiques, nous nous proposons de faire connaître les dites origines aussi bien que les souvenirs qui s'y rattachent. Grâce à tant d'épisodes, d'anecdotes, de détails variés et souvent presque inédits, cette seconde partie de notre travail n'offrira pas moins d'attrait, nous osons l'espérer, que la première composée de biographies développées. Mais avant de commencer, afin que rien ne soit perdu pour le lecteur, il nous semble utile de résumer en quelques pages les récits des historiens, formant souvent d'énormes volumes et relatifs aux origines du vieux Paris lui-même. Les origines de cette ville, pour nous servir d'une expression banale mais forcée, se perdent dans la nuit des temps. Vers l'an 54, avant Jésus-Christ, on voit ses habitants, membres de la tribu gauloise des Parisiens, combattre courageusement les Romains qui voulaient les soumettre. Mais après avoir repoussé Labienus, lieutenant de César, ils furent vaincus par celui-ci qui s'empara de l'île où s'élevait Lutèce, Lutetia, car tel était le nom que portait alors la cité. Un nom que les uns dérivent de Boutum, Bou, Argile, parce que le territoire de cette ville était marécageux, dit M. Louvet, et auquel d'autres trouvent une origine celtique, en sorte qu'il signifierait « ville entourée d'eau » ou encore « île du corbeau ». Quoi qu'il en soit, César, pour s'assurer de sa conquête, la fit entourer de murailles et deux tours, ou forteresses, s'élevèrent à la tête des ponts de bois jetés sur le fleuve, à l'endroit où se trouve aujourd'hui le petit pont et le pont au change. Dès lors, Lutèce devint la résidence des gouverneurs romains dans les Gaules. On sait qu'elle était particulièrement chère à Julien, qui y reçut le titre d'Auguste. Vers l'an 245, Saint-Denis vint y prêcher l'Évangile avec ses compagnons, et leur martyr prépara le triomphe de la foi. Chilpéric Ier, roi des Francs, eut la gloire de chasser les Romains de Paris, qui devint sous Clovis son fils et son successeur, la capitale du royaume. Probablement c'est alors que la cité échangea son nom ancien de Lutèce contre celui de Paris, Parisius, dit Saint Grégoire de Tours. Ce nom lui vint, selon toute apparence, de ses premiers habitants, les Parisii. Cette origine paraît beaucoup plus vraisemblable que l'opinion chère à nos vieux auteurs pourtant, qui, par une tradition fabuleuse sans nul doute, fait descendre la famille royale des Francs et les fondateurs de Paris, des Troyens et du fils de Priam. Les princes mérovingiens témoignèrent tous d'une grande prédilection pour Paris, leur capitale. Il n'en fut pas de même des Carlovingiens qui n'y résidèrent que par intervalle. Sous les descendants dégénérés de Charlemagne, on sait que la ville fut plus d'une fois exposée aux ravages des barbares du Nord, dits Normands, et le siège qu'elle soutint contre eux au temps d'Eudes et de l'évêque Gosselin est célèbre. Hugues Capet, le fondateur de la troisième dynastie, s'établit de nouveau à Paris, qui n'a plus cessé d'être la capitale du royaume. Déjà la ville commençait à s'étendre sur les deux côtés du fleuve, Aussi Philippe Auguste ordonna la construction d'un nouveau mur d'enceinte qui, partant du Louvre, s'arrêtait au quai des Ormes et des Célestins, en passant par la rue Saint-Honoré, la pointe Saint-Eustache, la place Baudoyer, etc. Une quatrième enceinte s'éleva au temps où Marcel était prévôt des marchands, 1356. La ville s'agrandit encore, ce qu'elle ne cessa de faire, au point qu'il fallait constamment reculer les fortifications, tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, tantôt au nord, tantôt au midi, car Paris, si rudement éprouvée pendant les guerres religieuses du XVIe siècle, resta ville de guerre jusqu'au règne de Louis XIV, qui fit abattre les murailles, combler et planter d'arbres les fossés changés en boulevards pour la promenade. La ville, alors, put s'étendre en toute liberté. La Révolution fut un temps d'arrêt pour ce mouvement d'expansion, les travaux s'étant ralentis ou même arrêtés, alors que sous ce régime abominable, autant qu'inepte, de la terreur, la richesse, l'apparence même de la fortune, devenait un crime. Le calme rétabli, Napoléon, consul et surtout empereur, se préoccupa constamment de l'agrandissement et de l'embellissement de Paris, qui lui dut de nouveaux monuments, la Bourse, la colonne de la place Vendôme, les ponts d'Austerlitz, d'Iéna, des Arts, etc. Sous la Restauration, comme pendant le règne de Louis-Philippe, d'importants travaux s'exécutèrent à Paris, qui cependant gardaient toujours un peu, dans certains quartiers surtout, la cité, la rue Saint-Jacques, le faubourg Saint-Germain, etc., sa vieille physionomie qu'il perd tous les jours davantage depuis les dernières et colossales entreprises qui font de la ville entière un vaste chantier de démolition et de construction. On ne saurait nier assurément que la ville y gagne au point de vue de l'hygiène et que beaucoup de ses grands travaux n'aient leur utilité, ne fût-ce même d'une absolue nécessité. Il est permis toutefois de regretter qu'on ait voulu tout faire à la fois, et en outre, que les plans généralement adoptés semblent avoir pour résultat de donner à la grande capitale, remarquable naguère par ses aspects variés et pittoresques, un caractère monotone d'uniformité. Qu'y a-t-il pour le rêve et la poésie dans l'interminable rue Lafayette, aux maisons ennuyeusement pareilles, ou dans l'éternel boulevard Haussmann ? Faut-il répéter, après bien d'autres, que dans toutes ces habitations nouvelles, luxueuses, en dépit de l'architecture banale, il n'y a place que pour les riches, et même richissimes, et que nous ne dirons pas les pauvres gens, mais les gens modestes, lettrés, artistes et autres, ne trouvent plus à se loger. À cela, on répond que les dites demeures royales et princières ne sont mieux faites pour eux, pas plus que les cages dorées, enluminées, sculptées pour les vulgaires pierrots. Fort bien alors, mais c'est les forcer à percher sur les arbres et pignons, ce qui n'est guère commode et récréatif en hiver, outre que Dame Police ne le tolère point. Un mot encore avant de terminer. Voici des Parisiens et Parisiennes un assez joli portrait que Sauvé traçait il y a longtemps déjà et qui aujourd'hui encore ne manque ni de vérité ni d'actualité. Les Parisiens sont bons, dociles, fort civils, aiment les plaisirs, la bonne chère, le changement de mode, d'habits, d'affaires. Les gens riches et qualifiés se traitent et s'habillent aussi magnifiquement qu'ils se logent. Les dames de qualité et les riches n'y font rien que jouer, se promener, faire des visites, aller au bal et à la comédie. Elles sont si superbement vêtues qu'elles dépensent en gants, en passementeries et autres galanteries plus que des princesses étrangères en toutes leurs maisons. Les grands, en un mot, les riches, hommes et femmes, font tant d'excès que leurs revenus, quelque prodigieux qu'ils soient, n'y pouvant suffire, ils dissipent en peu d'années ce que leurs pères, durant toute leur vie, ont eu bien de la peine à amasser. Fin de la section 86.